Bonjour à tous, bienvenue sur Les Projets du Web, le podcast audio qui parle de l'actualité des projets et innovations du web. Nous sommes le mercredi 30 mars 2011 et c'est l'épisode numéro 23. Bonsoir à tous, bonjour ou bonsoir, je sais pas, il est actuellement 21h pour les gens qui nous écoutent en live et l'heure que vous voulez si vous nous écoutez en différé. Je suis accompagné de William et pas de Lucas cette fois-ci parce qu'il va malheureusement s'absenter un peu pour les quelques émissions qui suivent, étant donné qu'il a des difficultés à concilier le podcast avec ses études, mais il vous fait un coucou de loin. William, comment ça va toi ? Très très bien, écoute. Tu n'as pas de problème pour assumer le podcast en parallèle de tes études, ça va ? Non, ça va, moi j'arrive à gérer ça, contrairement à Lucas. Ok, bon bah c'est rassurant, le podcast a donc un avenir. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, deux, trois petites choses avant qu'on rentre dans le cœur de l'émission. D'abord, je voulais préciser, parce qu'on a posté des articles dessus, mais j'aime bien en parler. Je pense que vous êtes plus ou moins tous au courant, mais on a accueilli un nouveau membre dans l'équipe des projets du web qui s'appelle Manoz. Qui communique sous le nom de Manoz, le pseudonyme de Manoz, et qui aura pour mission finalement de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avec le podcast, c'est-à-dire de gérer toute la communauté et de la communication autour du podcast afin de nous mettre plus en avant et de nous positionner mieux sur le web. Donc voilà, Manoz, Community Manager, comme on aime l'appeler en ce moment, va nous permettre d'avoir un public peut-être plus large, etc. Donc voilà, bah bienvenue à Manoz, merci de rejoindre l'équipe et longue vie à Manoz dans le podcast. William, est-ce que tu avais deux, trois petites choses à ajouter avant qu'on lance l'émission ? Bah, juste pour rebondir sur Manoz, moi je suis très content de ce qu'il fait pour l'instant sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que moi j'avais pas mal de mal à être présent dessus. Et pour l'instant, je suis très content. On a déjà retours, on s'en rend compte dans le live avec la présence de nouvelles personnes qui nous ont connus, entre autres grâce à Manoz. Donc c'est plutôt rassurant sur le travail qu'il fournit. Et voilà, on espère que ça va continuer comme ça et que ça va évoluer. Ensuite, ben voilà, je pense que c'est à peu près tout. On va donc commencer avec les actus et tips. Donc c'est parti pour la section Actu Tips. Voilà. Alors, c'est pas moi qui commence, c'est William aujourd'hui qui va nous parler de Let Me Google That For You. Ouais, alors ça, c'est un petit service. On avait quelque chose de similaire. On a eu quelque chose de similaire dans le passé. C'est pour tout, généralement, quand on est sur les forums et que les gens ne prennent pas la peine, finalement, d'aller sur Google et taper leurs questions. Et ben voilà, ce service, il va servir. Donc, si tu peux le mettre dans la chatroom en même temps, ça va être pas mal. Je sais pas si tu le fais. Ouais, et en fait. On met ce qu'on veut chercher dans Google, bon, avec les guillemets, avec ce qu'on veut. Et en fait, on le tape dans la petite boîte de recherche. Et ensuite, bon, par exemple, on va mettre. On peut mettre n'importe quelle question, voilà, je m'embrouille là, mais c'est pas grave. Et ensuite, il va nous donner un lien qu'on va pouvoir en fait renvoyer à n'importe qui sur Twitter, etc. Et ça va l'envoyer directement sur ce site-là avec le. Ah merde, je suis paumé là aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Il n'y a pas de problème. Il va mettre un petit peu comme une petite vidéo en fait du mot qui est tapé. Je vais peut-être le reprendre celui-là parce que dis donc. Tu veux recommencer ? Ah ouais, je l'ai mal fait celui-là. Il n'y a pas de problème. C'est rare que. Mais je sais pas comment l'aborder parce qu'il est tellement simple. D'accord. Non mais on va recommencer. Je vais reparler. Ouais, donc William, tu vas nous parler de Let Me Google That For You. Ouais, donc Let Me Google That For You, donc c'est un petit site, on en a parlé dans le passé, qui va permettre d'envoyer directement un lien avec une recherche Google directement intégrée dedans. Voilà, donc ça va éviter à toutes les personnes à chaque fois qui posent des questions finalement sans faire de recherche avant sur le forum, sur Google ou sur Bing pour ceux qui l'utilisent. Voilà, donc ça permet de tout intégrer dedans, on lui envoie, ça fait sa petite recherche et puis bah voilà, ça fait tout à notre place. Finalement, c'est pour montrer en fait la simplicité de l'outil et à quel point on y, enfin, certains n'y pensent pas assez, assez souvent. Et, voilà, que finalement, Google, en quelques finalement, clics, ils pourraient trouver leur solution. C'est plus simple de taper sa question dans Google que d'aller sur que un forum. Ou... Post, voilà. C'est ça. Donc, c'est pour montrer la stupidité de certaines personnes sur Internet. Si vous avez cette envie de dire, comme souvent on voit sur les forums des gens qui disent. Mais Googleise ça, t'aurais trouvé la réponse plus rapidement. Genre, vous envoyez un petit lien comme ça, ça vous prend un peu plus de temps, mais la personne se sent encore plus stupide. Donc, c'est un service plutôt sympa. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités avec ce service ou... Non, c'est vraiment uniquement pour cette optique-là. D'accord, d'accord. Très bien. Et donc, on va passer tout de suite avec... Moi, j'ai une petite actu. En fait, sur le retour, on va faire deux retours. Moi, je fais un retour sur un projet dont on vous avait parlé lors de l'épisode numéro 5, qui était l'épisode qui permettait d'expliquer comment augmenter sa productivité avec des services web. On avait reçu d'ailleurs quelqu'un de l'entreprise productive à l'époque. Et pour faire simple, en fait, ce service qui s'appelait Silentel proposait de regrouper, d'agréger, d'archiver toutes les conversations jusqu'à 2 ans d'historique. Au sein de cette plateforme. Sauf que voilà, il y a quelques mois, le fondateur de Silentel, monsieur Laurent Ferral Piersens, il annonçait la fermeture pure et simple du service, donc la disparition pour les comptes gratuits de l'ensemble de l'historique dès le, je ne sais plus la date exactement, mais je crois que c'est déjà passé, donc la suppression des historiques directement, suivie ensuite pour les comptes payants d'une suppression sur le long terme. Donc le service Silentel était mort en tant que tel, mais en réalité ça n'est qu'une reconversion pour l'entreprise Silentel qui a lancé un nouveau service orienté business to business sous le nom de Social Replay, qui est depuis peu disponible en démo trial gratuite sur le site www.socialreplay.com. Et alors en gros, cette nouvelle plateforme, elle propose 2 services. Un qui est orienté professionnel et qui permet d'enregistrer et de sécuriser du contenu Facebook et Twitter d'une entreprise. Donc l'ensemble des informations dispensées sur ces comptes sera donc exporté vers la plateforme Social Replay pour pouvoir être consultable à l'avenir en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu l'ironie du concept, c'est-à-dire qu'il propose un service permettant de garder pérenne des informations susceptibles de disparaître, alors que l'entreprise Silentel elle-même a fait disparaître le contenu de ses utilisateurs à l'époque. De Silentel. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué en termes de confiance peut-être, de positionnement de l'entreprise et de confiance, mais voilà, c'est une stratégie qu'ils utilisent. Et donc le deuxième service, ils proposent un service destiné aux entreprises et agences qui permet en gros de faire de l'audit, de la mesure d'influence, etc. sur les pages Facebook et Twitter. Donc ces services, ils sont proposés à partir de $5 par mois pour une sauvegarde quotidienne de Twitter et Facebook avec 1 giga d'espace de stockage, ou pour $15 par mois pour le même service avec l'accès aux pages Facebook plutôt qu'aux comptes et 3 gigas de stockage. Donc après, voilà, le prix, comme c'est un service unique ou très peu présent, le prix, on n'a pas vraiment de comparaison à faire. Mais voilà, je voulais en parler parce que c'était quand même une start-up dont on avait parlé à l'époque sur son premier service et qui en... Ouais. Relativement peu de temps d'existence, a totalement changé sa stratégie. Donc, William, tu te souviens, toi, de quand on avait parlé de Silentel ? Alors, je sais plus exactement ce qu'on avait dit, mais je me souviens, oui, effectivement, qu'on en avait parlé. Moi, ce que j'ai peur dans ce genre de start-up qui vire comme ça d'un coup de situation, c'est que c'est la confiance en fait envers les utilisateurs. Et surtout que là, maintenant, du backup de données, c'est quelque chose où il faut qu'on ait confiance. Et là, on peut se dire, si ça se trouve, dans 6 mois, ils vont complètement tourner la page et partir encore sur un autre truc. Quoi. C'est ça. Comme ils sont déjà partis sur un service qui se basait sur le même concept de sauvegarde et d'archivage de données et que il faut avoir une confiance énorme dans la pérennité en fait, du service, ils ont un peu... Enfin, c'est une politique très difficile d'avoir... Surtout, ils commençaient à avoir en fait, leur business model et ils avaient commencé à lancer les comptes payants sur Silentel. J'ai aucune idée ils n'ont pas communiqué dessus, mais je suppose que c'était pas suffisamment satisfaisant pour pouvoir continuer là-dessus. Mais du coup, ils ont quand même perdu une grosse partie de leur clientèle qui aura du mal à repartir là-dessus. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'ils auraient très bien pu continuer sous le nom Silentel et ils communiquent maintenant complètement sous le nom Social Replay. D'ailleurs, ils ont un nom de domaine socialreplay.com qui est autre. Et le seul moment où on voit le Silentel Incorporation qui apparaît, c'est sur le copyright en bas du site. Mais il ne communique plus du tout sur le nom Silentel, ce qui est bon, ce qui est logique aussi. Enfin voilà, je voulais en parler, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais voilà, je pense que c'est assez important de voir quand même que les projets évoluent et voire complètement changent d'optique. Passer d'un outil B2C à B2B comme c'est le cas là, c'est quand même assez important comme changement de stratégie. Voilà, et donc je vais te laisser maintenant parler de Niv. Alors, c'est un petit retour également sur Niv qu'on avait cité. Je sais que Lucas avait beaucoup aimé, donc j'espère que j'aurai aussi quand il reviendra, il pourra peut-être en reparler encore un petit peu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Niv.com, c'est un site en fait par un designer. Alors, tout est en Flash, malheureusement. Donc, moi, ça rame un petit peu sur mon netbook de temps en temps, mais il faut faire avec. Donc, tout en Flash et qui va vraiment se baser sur une expérience un petit peu différente. Donc, il y a des jeux. Il y a un planétarium, il y a plein de choses, il y a une télévision, moi je suis fan de la télévision, avec plein de pubs ou de passages de films un peu insolites, il y a vraiment des choses avec des Ronald McDonald qui passent, moi celui-là il m'a marqué. Donc voilà, c'est vraiment avoir une expérience, un divertissement différent, et il y a une grosse part aussi d'interaction. Je vois, il y en a certains qui jouent avec la webcam et le micro, par exemple on souffle avec le micro pour souffler... je crois que c'est un pissenlit, tu sais, tous les brins de pissenlit qui s'envolent. Voilà, donc c'est énormément d'interactions. Je pense qu'il y a à peu près la moitié qui peuvent jouer donc avec tout ce qui est micro. Donc oui, je dis micro, webcam, souris. Donc voilà, tout simplement, oui, c'est pour Niv, pardon, c'est pour passer du temps, voilà, tout simplement. Et quelle est la... l'intérêt pour le consommateur en fait, mais l'intérêt pour la personne, enfin Paul Niv qui propose ça. C'est juste une démonstration technique. Lui, c'est faire connaître, voilà, c'est un petit peu un exploit, c'est pas le mot, mais c'est se faire reconnaître un petit peu, parce que c'est ça qu'il est designer, tu vois. Mm-hmm. Donc, et j'ai vu par exemple sur Twitter, parce que j'ai vu ce truc-là par exemple passer sur la BBC en fait, c'est là que je l'ai vu. Mm-hmm. Et voilà, donc lui se fait connaître, ça lui fait un petit peu de publicité finalement pour le site. Et puis après, en parallèle pour lui, parce que bah voilà, il est quand même designer, et c'est vrai que le site, bah il est assez intéressant, il est assez recherché, et donc peut-être que les entreprises sont intéressées, par exemple, pour avoir des styles un peu dans le même. Donc tu vois, lui, ça lui fait aussi gagner dans ce sens-là, quoi. Ouais, effectivement. Non, c'est une espèce de vitrine. C'est une espèce de. Pardon. Ouais, voilà. Je disais que c'était une espèce de vitrine en fait de ces capacités. Oui, voilà, en fait. Tout à fait. Vitrine, je pense que c'est le bon mot pour pour caractériser un petit peu son site. Voilà. Bah, si vous voulez voir les exploits de Paul Niv, allez sur niv.com, N-E-A-V-E.com. Il y a des trucs super. Voilà. Du coup, on en a fini pour la section actu et tips et on va passer à la section projet. Et c'est William qui commence avec WeTransfer. Ouais. Alors WeTransfer, alors c'est assez étonnant comme site. Moi, je dirais que c'est à mi-chemin finalement entre... comme on disait, c'est vrai qu'en privé, Dropbox. C'est pas tout à fait ça. Entre Dropbox et du RapidShare finalement. Alors l'avantage de ce site-là, donc, ça va être de pouvoir être déjà anonyme, d'avoir 2 gigaoctets de stockage. Donc quand je dis anonyme, c'est voilà, pas besoin de s'enregistrer, pas besoin de rien faire, on donne juste une adresse email, le fichier, à qui on veut l'envoyer, et ça envoie un lien, finalement j'ai testé tout à l'heure, ça m'envoie un lien, donc un email, sous forme d'email, pardon, à la personne qui a envoyé, et donc il a une copie, et à la personne qui reçoit, et donc il a l'email avec le lien, il clique dessus, et il a accès directement au fichier. Donc voilà, c'est un partage de fichiers, directement d'une personne à l'autre, par le biais de WeTransfer. Il faut savoir que le lien est valable 2 semaines, et après, il est détruit définitivement. Enfin, le lien et le fichier, évidemment. Voilà. Et ils sont assez ouverts, c'est-à-dire que... après, c'est ce qu'ils disent, on ne peut pas vérifier, mais qu'ils ne regardent pas les données. Ils font une certaine confiance. Ils mettent beaucoup de confiance dans leur service. Voilà. Donc, si tu veux que je te rajoute des détails, peut-être. Non, mais effectivement, moi, c'est le côté... Alors, quand tu le compares à Dropbox, je ne suis pas d'accord. Plus peut-être avec l'autre service dont tu as parlé, RapidShare. WeTransfer, moi, vraiment, le point qui m'intéresse particulièrement, c'est le côté C'est direct. On arrive sur le site, aucune inscription n'est requise. Là, je vois par exemple des gens qui proposent... c'est peut-être le cas aussi pour dl.free.fr. Il y a plein d'autres services qui proposent ça, mais là, en fait, il y a le côté donc, esthétique, effectivement, qui est très présent, parce que le site est quand même assez beau. Alors, c'est du full flash, effectivement, mais ça permet quand même une... Alors, Kennynet, les fichiers, c'est 2 gigas. Tu uploades en fait un fichier par un fichier. C'est 2 gigaoctets et ça dure 2 semaines. En fait, au bout de 2 semaines, ils sont supprimés définitivement. Et tu peux pas le. Par exemple, si, imagine tu as upload ton truc et c'est une erreur, tu voulais pas, c'est trop tard. Tu dois attendre 2 semaines. T'as pas de possibilité finalement de le faire avant. Mais ça, c'est aussi spécifique au fait qu'on n'ait pas d'inscription et que du coup, le fichier est complètement... il n'est pas attaché à un compte particulier. Il n'y a pas de compte. C'est vraiment... on met l'adresse email de soi, de l'expéditeur et du destinataire et le fichier. Et voilà. On peut mettre une petite note, si je ne dis pas de bêtises. Je ne me souviens plus quand je l'ai fait tout à l'heure, par exemple. Mais voilà. Oui, mais c'est super pratique, en fait, parce que souvent, moi, ce que je faisais, c'est que je m'envoyais un mail... Un mail, c'est une pièce jointe de 25 mots, enfin sur Gmail en tout cas, il y a toujours ces contraintes. Et là, un fichier de 2 gigas, ça laisse quand même pas mal de possibilités. Et puis au bout de 2 semaines, on n'a pas besoin de se soucier c'est vrai, il faut que je supprime le fichier là-bas ou j'ai pas envie de laisser mes données dessus. Au bout de 2 semaines, il est supprimé. Il n'y a pas de voilà. Ouais, donc clairement, pour des fichiers avec une confidentialité qui n'est pas non plus excessive, vous pouvez très bien utiliser ce type d'outils. Donc WeTransfer ou un autre, mais WeTransfer pour son côté simple et rapide. Très simple, très simple. C'est ça qui est bien. Donc WeTransfer.com, j'ai mis le lien, donc ça sera dans les notes de l'émission et je l'ai normalement mis dans le live. Je vais enchaîner avec Upshot, tout simplement, upshotapp.com. Donc les liens, pareil, dans les notes de l'émission et je demanderai à William de bien vouloir le mettre dans le live, s'il te plaît. Je vais le mettre. Alors, en gros, c'est la ligne éditoriale, c'est comment faire des feedbacks simplement et efficacement. Donc, sur tout ce qui est photo, design, illustration, etc. En fait, ça vous permet de poster votre contenu créatif depuis une interface web qui est relativement épurée. Et puis, en plus, c'est totalement HTML5. Du coup, c'est accessible depuis. Enfin, il y a pas de flash, il y a rien de tout ça. Et je crois que c'est HTML5, parce que je m'avance peut-être en disant ça. Et du coup, ça vous permet d'y accéder depuis n'importe quel support. Et donc, vous pouvez partager votre contenu, votre image, votre photo, votre template de design. Et recevoir des feedbacks précis et pertinents. Alors quand je dis précis et pertinent, c'est parce qu'en fait, il y a un système de feedback qui, moi, me plaît pas mal, qui est le principe de commentaire tag. Enfin, c'est plus proche du tag même que du commentaire. Ça s'apparente, j'aurais tendance à dire, au service SoundCloud, qui permet donc de commenter sur un endroit précis, par exemple, de la musique, et donc d'être plus pertinent encore sur le positionnement de son commentaire. Là, pour l'image que vous postez sur Upshot, ça vous permet de commenter sur des zones particulières de l'image. Donc pour faire simple, si nous, ce qui est le cas actuellement au sein du podcast Les Projets du Web, on veut faire une refonte graphique de notre design et qu'on a besoin de vos retours pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut déplacer, etc., on va poster cette image sur Upshot. Et vous pourrez faire des zones, sélectionner des zones particulières sur l'image, etc., et faire des commentaires sur les zones particulières, tout ça via une interface web. Donc ça permet d'être encore plus pertinent dans ces feedbacks. Alors par contre, c'est une solution qui est payante, sous 3 offres différentes, allant de 6,66$ à $99 par mois, suivant le nombre d'utilisateurs que vous voulez avoir en termes d'administration. Mais il vous propose actuellement un test de 30 jours, je ne sais plus exactement... de 30 jours, enfin d'un mois gratuit, donc vous pouvez aller l'essayer donc si vous êtes designer, artiste ou que vous souhaitez récupérer les retours de votre communauté, allez sur upshotapp.com. William, je ne sais pas si tu l'as essayé et si tu avais des retours à faire là-dessus, mais est-ce que tu trouverais ça intéressant si tu étais dans cette situation? Si, si, bah, on en avait parlé, c'est la partie vraiment de cibler en fait la zone exacte qu'on veut. J'ai trouvé ça super, j'avais pas vu ça ailleurs. Donc c'est vrai que je suis pas trop dans le milieu du, on va dire, du blog ou surtout des templates, vraiment des chartes graphiques. Mais la possibilité vraiment de sélectionner les zones, de mettre un petit commentaire directement dedans, de partager avec ses clients assez facilement. Et au même principe au niveau des images. On avait eu un site comme ça, mais pour les graphismes justement, mais c'était vraiment que les images, c'était assez basique, on pouvait faire peu de choses. Là, c'est la même chose, mais vraiment sur tout un blog, avec images compris qu'on peut rajouter. Et c'est vraiment très très bien. Je suis assez fan en fait du, comment dire, du côté échange après que tu peux avoir derrière avec le client ou avec. Voilà, tout simplement, j'ai adoré ce truc-là. Ouais, c'est vrai que là, on Pour nous, ça serait bénéficie. génial. C'est Ouais. ça. D'ailleurs, j'y pense sérieusement pour ce qui est de la refonte du design. Mais c'est vrai que on bénéficie vraiment de Des retours. de l'outil informatique Après. exploité à fond pour avoir un retour encore plus précis. Donc voilà. Bah, alors, je me souviens. Ouais, upshotapp.com. Je te laisse parler de varc.com maintenant. Voilà, alors Vark, je reprends mon petite expression, c'est à mi-chemin entre Formspring finalement et Yahoo Answer, les Yahoo Réponses. Pourquoi? Parce que ça reprend les formulaires de Formspring, c'est-à-dire qu'on tape un petit peu une question, voilà, comme dans Formspring, on pose des questions à des gens, et le Yahoo Réponse parce que, voilà, on va avoir entre guillemets les meilleures réponses, enfin voilà, on va avoir un listing. Mais là où ça se différencie de Yahoo Réponse, qui était vraiment, c'est tout le monde pouvait répondre avec voilà le côté amateur qu'il pouvait y avoir. Là, ça va être des personnes qui c'est leur domaine, on va dire. Ils essayent en fait de cibler. Par exemple, on va poser une question sur le podcast, et ben il va essayer de cibler les gens qui vont pouvoir y répondre vraiment au mieux. Voilà, pour avoir une réponse vraiment qui soit bien propre, impeccable, qui est pas ah oh, ben je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin voilà, avoir quelque chose de ciblé. Et l'avantage aussi, c'est qu'ils disent, après, c'est vrai que dans la pratique, il faut voir, j'avais pas eu de questions à poser, mais ils disent que généralement, la majorité, c'est entre 5 et 10 minutes que c'est répondu. Donc voilà, donc c'est un service assez rapide. Ouais, c'est rapide. Et ça permet de, voilà, de pas s'encombrer encore. On parle toujours, mais du forum, parce que le forum, voilà, faut attendre peut-être des fois 2-3 jours avant d'avoir une réponse. C'est pas forcément toujours tip-top. Et là, c'est voilà, c'est assez rapide et. J'ai trouvé ça intéressant. Alors, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup d'utilité personnellement, mais je pense que je vais essayer dès que j'aurai un petit truc. Après, je sais pas par contre si on va trop pousser dans un domaine. Voilà, comment ça va se passer sur ce genre de choses? Où on peut aller en fait? Sur quel domaine? C'est ma seule un petit Ouais. peu inquiétude. Après, faut voir ouais, jusqu'à où ça va. Alors, je réponds juste à Armos qui demande si c'est pas une startup qui a été rachetée par Google. Et effectivement, c'est le cas. Si. En Si, si. février Elle a été 2010. rachetée par Google, oui. Voilà. Ils le précisent sur leur site tout en haut, ils ont un petit bandeau pour dire que voilà, ils ont été rachetés. Donc, avec Google, généralement, il y a une intégration. Alors, certains sont restés un petit peu à côté, les startups, mais généralement, ils l'intègrent vraiment dans tout leur service. Et vu que Google, on sait qu'ils ont des petits projets concernant le social, là, on voit ils remettent un peu à jour Buzz. Là, il y a eu des petites histoires là, par rapport à la vie privée, etc. Donc, ils mettent à jour Buzz, il y aurait un Google Me, ce genre de choses. Donc, là, on peut se dire que peut-être qu'avec ce genre de service, ils vont essayer de tout mettre ensemble pour peut-être sortir une sorte de concurrent à Facebook, on ne sait pas. Ouais, non, bah en fait, ils essayent de, je pense aussi, de racheter ceux qui peuvent leur faire peur parce que finalement, ils pourraient développer dans leur coin le même principe, le même outil. C'est juste qu'ils se rendent compte que ce type d'outil-là pourrait se développer en tant que. Enfin, j'ai du mal à m'exprimer, mais qui pourrait se développer seul et peut-être devenir un concurrent sur ce domaine-là. Donc tous ceux qui rentrent dans des niches un peu comme Varc, des niches, des endroits qui n'avaient pas été exploités, ils préfèrent les racheter, je pense aussi. Donc pour faire, comme tu dis, cette espèce de regroupement au sein d'un seul service social qui vont. Service social, ouais, un Oui, je t'ai produit, compris. on s'est compris. Mais aussi pour éviter justement cette création de services isolés sur des domaines qu'ils n'attaqueront pas après à l'avenir. Je pense qu'il y a ces deux optiques-là. Mais en tout cas, actuellement, il est le service Varc reste disponible seul. Enfin, pour le moment, il n'est pas intégré à Google. Le seul simple fait qu'il ait été racheté par Google n'a absolument rien changé en fait. mis à part peut-être... Pour l'instant, non, mais c'est vrai qu'ils mettent pas mal de temps. Je sais qu'il y avait une startup qui m'intéressait beaucoup, c'était Gizmo 5, en fait, c'est de la voix sur IP, tout simplement. Et ça, j'étais en recherche en fait d'alternative à Skype pour voilà pour parce que Skype avait des petits soucis de connexion etc. Même pour le podcast. Et ouais. C'est vrai que Gizmo était vraiment vraiment très bien et ils ont été rachetés par Google et ça fait 2 ans. Donc je sais pas trop s'ils sont rapides en fait à intégrer les nouvelles startups. Espérons que si. Mais je sais que Gizmo 5 en tout cas ils mettent beaucoup de temps à l'utiliser on va dire pour les intégrer dans leur service. Quoi. Donc j'espère qu'ils vont intégrer beaucoup plus rapidement celui-ci. Parce que pour l'instant, il reste un petit peu en stand-alone. Quoi. Il a été racheté, mais c'est vrai qu'on ne voit pas très bien pour l'instant le lien avec Google. Donc s'ils peuvent l'intégrer après dans d'autres services, pourquoi pas. Surtout que le côté isolé de ce genre de service réduit pas mal l'utilisation, alors qu'une intégration permettra une utilisation. On peut, dans le moteur Google, par exemple, tu vois, on peut imaginer une rubrique à la place de rechercher le web, et ben rechercher voilà, des questions comme ça. On peut imaginer des choses comme ça. Oui, effectivement. On verra dans l'avenir. On verra ce qu'ils en font. En tout cas, voilà, Varc.com, quelque chose à suivre. Et puis, ben, on le suivra pour vous et on vous tiendra au courant à l'avenir. Moi, je vais vous parler d'un site qui s'appelle The Mentalizer. Donc c'est The Mentalizer. Attends. Laisse-les découvrir en même temps que tout le monde. TheMentalizer.com. Donc c'est un outil qui, à première vue, propose plus ou moins le même service qu'un site qui s'appelle Akinator. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc Akinator, c'était... Pour faire simple, c'est vous pensez à quelqu'un ou quelque chose, un objet ou une personne, vous répondez à des questions que le site vous pose en fait, et en fonction de ça, il va fouiller dans sa base de données, etc. Et il va plus ou moins rapidement vous proposer une réponse, et en général, c'est assez souvent la bonne réponse. Donc ce à quoi vous pensiez. Seulement, voilà. Le service The Mentalizer, en fait, c'est un gros coup marketing viral de la société Microsoft qui en fait, derrière ça, donc une fois que vous avez fait cette démarche-là sur le site The Mentalizer qui ne parle absolument pas du côté Microsoft, en fait, pendant toute la phase, tout le début, à la fin, il vous explique que s'il a réussi à trouver la solution, c'est grâce à un outil génial qui s'appelle Bing et que c'est grâce à ce moteur de recherche en lui envoyant des requêtes qu'il a réussi à trouver votre solution. Donc voilà le principe, l'idée est géniale. Mais alors pour vous montrer à quel point Microsoft a été efficace sur ce coup-là, je vais donner la parole à mon ami William qui a eu une expérience assez particulière lors du test qu'on a réalisé tout à l'heure. Donc je vais le laisser expliquer en fait. Alors je sais pas si j'ai réussi à expliquer. Alors j'ai essayé en fait 2 fois. Donc la première fois, à chaque fois c'était pour une personne. Donc j'ai fait donc le test. Donc au début j'avais pas une personne réellement en tête. Mais voilà, j'ai suivi les questions et c'est vrai qu'il a absolument pas trouvé. Il tournait en rond. Et j'ai essayé la deuxième fois en ayant vraiment une idée beaucoup plus précise. Bon, ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit au fur et à mesure des questions, on voit très bien où il veut aller. Parce qu'à bout d'un moment, il commence à arriver, il cible plutôt assez efficacement. Et donc, au bout d'un moment, on voit très très bien vers quelle personnalité, etc., il se dirige. Mais au bout d'un moment, bon, pour une raison quelconque, j'ai eu une belle erreur. Donc, on la screenshot et puis on le verra donc, sur. D'ailleurs, cette screenshot, je vais l'utiliser en tant qu'image de l'émission en fait, parce que ça va nous permettre de mettre une image sur nos propos. C'est une très belle image qui explique qu'en gros il n'est pas arrivé à ses fins, donc que finalement que Bing après un certain nombre de questions en plus, hein, je pense que là tu as trouvé le premier coup, ouais, c'était ça alors, se finissait jamais. Le deuxième a été un peu plus rapide, mais je dirais 15 ans à question. Ouais, il a fini par planter quoi. Et il a planté. Donc Bing, l'efficacité de Microsoft, même à travers leur coup de marketing viral, ils arrivent à nous montrer à quel point leurs services ne tiennent pas la route. Mais bon, ça c'est notre avis personnel. Non, mais oui. Non, mais c'est vrai que dans le fond, moi personnellement, je n'avais jamais eu cette expérience-là de l'outil que j'ai dû tenter 4-5 fois sur 4-5 idées différentes. Et je crois même qu'il a toujours trouvé. Donc voilà, mais c'est vrai que... Si on doit vous conseiller un outil, en fait, c'était aussi pour vous parler d'un autre site que je pense vous connaissez, mais pas forcément. C'est plutôt Akinator, qui, lui, pour le coup, est un service qui est quand même assez bluffant. Alors, moi, je fais une remarque intéressante dans la chatroom, parce que moi, je suis sur un netbook, donc c'est vrai que dès que j'ai des trucs qui me consomment beaucoup, je le sens. Et ce site est en flash, et Armos dit qui fait ramer son PC. Effectivement, mon netbook avait beaucoup de mal à suivre. Effectivement, tout à l'heure, tu me disais ça. Alors, ce qui m'étonne d'ailleurs d'autant plus de la part de Microsoft, mais je pense que c'est aussi justement pour ce côté un peu caché, pourquoi ils n'ont pas utilisé Silverlight. Voilà. Ouais, moi je pense que oui, c'était pour dissimuler, genre bon bah c'est du flash machin, et puis c'est après discrètement à la fin que. C'est ça. Mais parce que finalement, si l'outil avait été sans cette connotation marketing et sans ce côté, on vous annonce à la fin que c'est Bing qui a réussi à faire ça, ils auraient, je pense, utilisé leur outil Silverlight parce que, enfin. Bon, bref. Mais l'idée est pas mal. Je trouve que on peut au moins admettre ça. L'idée était quand même amusante. Enfin. Le côté Akinator, peut-être pas, mais le côté à la fin de dire, bah voilà, on a réussi à faire cet exploit-là grâce à Bing. Je trouve que c'est une façon assez intelligente de mettre en valeur Bing. C'est sûr. Bon, après, moi, j'aime pas Bing, mais ça reste un débat. Non, mais après, ça reste un moteur de recherche tout à fait raisonnable qui vole les résultats qui Google. Vole les résultats à Google, comme on le sait, mais qui, en règle générale, est assez pertinent quand même. Donc voilà. Mais c'est une manière en tout cas assez intéressante, même si là la réalisation n'a pas été géniale, de faire du marketing viral via Internet. Une approche originale, ouais. Maintenant, je vais te laisser parler de EduInfo. Je pense que c'est un sujet qui tient à cœur en plus. Ouais. Alors par contre, il va être assez simple à présenter. Moi, je recherchais tout simplement en fait des formations pour. Parce que je vais finir ma deuxième année de DUT et je cherchais dans le domaine de l'informatique. Et j'avais pas mal de problèmes en fait à chercher, parce que souvent, voilà, si on arrive devant Google et qu'on tape formation informatique, bon, on va pas aller bien loin. Donc je cherchais en fait des sites pour référencer. Alors il y a le site du Zéro qu'on avait parlé il y a très longtemps, qui ont commencé à ouvrir en fait une partie études et emploi. Donc j'avais trouvé quelques trucs, mais il n'y avait pas du tout la possibilité de regarder par région, parce que je souhaite en fait me déplacer. Donc je vais aller par exemple dans le Nord ou des choses comme ça, ou dans le Sud. Et ben là, donc j'ai trouvé ce site-là. Je crois que c'est Lucas même qui l'a trouvé, je suis pas sûr. Et qui permet vraiment de rechercher efficacement. C'est-à-dire que là, j'ai, par exemple, j'ai mis le domaine informatique, j'ai mis la région, par exemple, Nord, diplôme, et après, sur diplôme, on met, par exemple, licence ou, à la limite, master. Et voilà, et là, on a tout de suite la liste, par région, en fait, des diplômes qu'on souhaite, enfin, le niveau de diplôme auquel on est. Et en fait, on a tout de suite un listing des écoles. Et voilà, moi, c'est ce que je souhaitais, c'est d'avoir vraiment, une liste en fait de ce qui est disponible, au moins de ce qui est disponible. Et ça, c'est vrai que c'était très dur à trouver. Alors, je ne sais pas si d'autres sont aussi dans ce cas-là, mais là, c'est parfait pour ça. C'est vraiment un petit répertoire en fait de toutes les écoles par catégorie. Alors, moi, j'ai mis informatique, mais c'est vrai qu'on peut partir sur électronique ou sur d'autres domaines, et surtout aussi par région, quoi, pour pouvoir avoir, rester, c'est plus ces départements-là, mais rester un petit peu dans ces zones ou bouger. Donc tout répertorié là-dessus, j'ai trouvé ça super. Après, ils proposent deux petits services à côté avec. Tout ce qui est logement étudiant, dictionnaire des métiers, lettre de motivation, je trouve que c'est plus annexe, mais ça peut toujours dépanner, je pense. À la limite, c'est peut-être proche quand même de la solution qu'a finalement utilisé l'étudiant.fr, qui regroupe aussi les formations. Enfin, c'est en parallèle de ça, il y a pas mal de choses qui se recoupent quand même. Mais bon, bref, je voulais quand même juste parler pour les gens qui nous écoutent et qui peuvent pas aller voir directement le site. C'est quand même assez large sur les écoles qu'ils proposent, écoles et formations qu'ils proposent. Ah oui. Il y a ça va du lycée à l'université, l'école de commerce, d'ingénieur, d'art, de langue, les écoles spécialisées, les instituts de formation spécialisés. Donc ça n'est pas moi clairement quand j'ai vu le titre, enfin le nom du site et du info, j'étais persuadé que ça n'était que des écoles d'informatique. Non, c'est information comme voilà. C'est l'information sur l'éducation. Donc c'est très large. Hein. Il faut pas penser non plus que ça se limite à tout ce qui est école d'ingénieur ou école spécifique informatique. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Études info. Voilà. Alors je sais pas pourquoi je disais EduInfo, c'est études info. Non, études, ouais. Et moi, du coup, c'est vrai que j'ai réussi à trouver, c'est ça que j'avais trouvé. J'avais regardé par exemple sur Lille une école d'info. C'est pas une école, c'est plus un IUT ou ce genre de choses. Et j'ai trouvé quoi directement. Du coup, je sais que maintenant que dans le coin, il y en a pas d'autres. Donc ça me permet de savoir ça. En tout cas, il est vraiment bien. J'ai réussi vraiment à trouver ce que je souhaitais. Donc c'était ça le plus important. C'était vraiment par région Après les catégories, bah là, en l'occurrence info. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver sur d'autres sites. Parce que le site des zéros, par exemple, c'était aussi que domaine informatique. Donc pour les autres qui veulent le là, reste. C'est ça. Pour le coup, là, c'était un peu généraliste, un peu plus. Très spécialisé. Voilà, c'est généraliste. Et voilà. Je sais pas si tu en as parlé, mais je le découvre là. Le fait de ouais. pouvoir donner son propre avis sur sa propre formation. Oui, alors c'est vrai que j'ai pas du tout dit ça. Parce que moi, j'étais focus vraiment sur la partie. Parce que bon, moi, c'était ma recherche. Mais c'est vrai que. Derrière, il y a aussi le côté, oui, voilà, commenter les écoles, dire par exemple, bah, ça, elle est vraiment pas mal, elle est vraiment aussi très chère. Et il y a aussi, par contre, on peut préciser aussi, c'est qu'ils donnent vraiment toutes les infos au niveau de l'école. Il y a, par exemple, tu vois, numéro de téléphone, adresse. Il y a vraiment tout une fiche, finalement. Une fiche sur le... Donc, c'est vraiment bien, bien, bien, quoi. Après, la limite du côté donner mon avis sur la formation... Déjà, c'est son propre avis sur sa propre formation qui est attendu. Après, ce n'est pas forcément ce qui sera fait par les utilisateurs, mais en général, c'est les gens qui sont étudiants de cette école qui commentent. Ouais. Mmh. Forcément, alors, je perds mes mots et c'est le même mot que ce que je te disais tout à l'heure en... objectif. Voilà, l'objectivité. Putain, décidément, ce mot-là, ce soir, il ne voudra pas sortir. L'objectivité des commentaires est peut-être moins évidente à partir du moment où c'est des gens qui font partie de cette formation. Mais bon, c'est quand même un outil qui pourrait être utile s'il est bien utilisé, de voir les retours sur les formations. Voilà, donc etudeinfo.com. Je vais enchaîner avec Yakatag. Yakatag qui est donc non seulement un site web mais aussi une application disponible sur Android et iOS. Permettant de faire ce qu'ils appellent du social shopping. Alors, on aime bien mettre le mot social devant tout en ce moment dès que c'est sur Internet. Donc, je vais tenter de vous expliquer ce que j'ai compris du concept du social shopping selon Yakatag. Mais avant de commencer, il faut quand même savoir que le site est quand même pas mal buggé, ou en tout cas, il y a pas mal de points particuliers sur le site qui ne fonctionnent pas encore. Comme le système de recherche qui finalement était pour moi le système le plus important du site. Donc, ma phase de test, en fait, mon explication, je vais plus me baser sur ce que eux disent de leurs produits plutôt que sur mon expérience utilisateur en tant que telle, mais plus sur l'idée du produit. Donc, je vais essayer de faire une mise en situation pour essayer de vous faire comprendre. Qu'est-ce que c'est que le social shopping, pour ceux qui ne connaissent pas? En gros, si vous êtes en train de faire les boutiques dans la rue, dans une ville, ou en train de boire un superbe café dans un bar, ben, vous trouvez l'offre ou le produit que vous êtes en train de consommer super intéressant. Donc vous sortez votre smartphone Android ou iPhone, et là vous allez en quelque sorte taguer l'objet. Donc l'envoyer sur Internet sous forme numérique. Donc vous allez être localisé, vous allez préciser le prix, l'offre qui est en cours éventuellement. Vous prenez éventuellement une photo de l'objet ou de ce que vous êtes en train de consommer. Vous rédigez potentiellement une description en plus. Et en postant ce tag, vous allez permettre aux autres membres du site de consulter sans avoir à se déplacer les produits qui apparaissent comme intéressants aux yeux des utilisateurs, et ce, en fonction de la localisation, du prix, de la catégorie, etc. Donc pour faire simple, si ça fonctionnait sur yakatag.com, ce qui n'est pas le cas, moi qui habite à Reims, si j'avais envie de voir, de comparer un peu les cafés et de voir s'il y a des cafés qui sont apparus comme exceptionnels aux yeux des gens, je tapais dans la barre de recherche lieu, je tapais Reims et objet, je tapais café ou jean pour un objet. Et là, j'allais voir à Reims les jeans que les gens ont trouvé plutôt intéressant au niveau rapport qualité-prix, etc., avec un tag et une géolocalisation pour voir où ça se situe. Donc voilà, le principe, c'est ça, c'est que chaque personne qui voit une offre intéressante la partage sur Internet et permet de partager ces informations utiles. William, as-tu un avis sur cette chose ? Ça va être très difficile parce que je... Bon, on en parlait avant en préparant l'émission, un petit peu avant. J'ai du mal, en fait, à voir vraiment l'intérêt. Voilà, tout simplement, en fait. J'ai du mal à voir le... Parce qu'on voilà, on achète par exemple un truc. Alors, ça serait peut-être pour les bons plans ou quand il y a vraiment un resto qui est bon, mais en même temps, il y a des services déjà similaires qui permettent voilà, de commenter. Donc, en fait, j'arrive pas à voir sa place, finalement, par rapport à d'autres services. Par rapport à quoi concrètement? Enfin, je... Par exemple, bah, si on veut parler, par exemple, tu sais, on avait la tasse de. C'était quoi? C'était un chocolat ou un café, tu sais, que tu me montrais tout à l'heure. Un café, oui. Ouais. Alors, si c'est pour dire, par exemple, tu vois qu'il y a un super café, je sais pas, au coin de la rue, bah, il y a des choses comme Around Me ou. Il y en avait d'autres encore là qui. Ou même à la limite Foursquare. Oui, mais ce n'est pas les finalement, utilisateurs. Là où c'est différent, c'est que c'est l'utilisateur qui poste son coup de cœur, entre guillemets. Et qui partage cette information sur des services comme Around Me, on voit les services enfin avec les descriptions type de l'outil enfin du service, mais c'est pas l'utilisateur en tant que tel qui poste, enfin, ou sinon c'est que je me suis trompé sur ce que je voyais, mais Around Me ne propose, c'est pas l'utilisateur qui poste l'info, ou je me trompe? Si Around Me, c'est chacun met finalement son entre guillemets, son restaurant, etc. Il y a des notes, etc. D'accord. Après, je ne sais pas si c'est eux qui rentrent dans les formulaires, etc. Mais tu sais, c'est comme au niveau de Google. C'est quoi? C'est sur Maps, je crois. Et ben, tu vois, tu as les restos qui s'affichent et tu vois les mecs qui mettent des commentaires, etc. Quoi. Après, je ne sais pas si dans Maps, il faut faire la démarche de le rajouter, etc. Mais dans Around Me, je crois qu'on pouvait. Il y avait aussi un autre. Il y avait plein de petits services comme ça. Je ne me rappelle plus du second. Mais, ce qui est en. Aussi assez intéressant, c'est la connexion complète avec Facebook. Donc, c'est complètement connecté à Facebook. Ouais. Finalement, dès que vous partagez quelque chose, c'est Facebook qui est le réseau. En fait, ils n'ont pas un réseau interne ou très peu. Leur base de données, c'est juste le réseau qu'ils utilisent pour se baser, c'est Facebook. Ils se basent sur Facebook pour le partage de l'information. Mais après, tu vois ce que tu disais au niveau des coups de cœur, mais finalement, c'est pas plus simple directement utiliser Twitter ou. Où beaucoup de gens maintenant aiment Instagram pour les images, par exemple, ou Facebook, pour ceux qui préfèrent, pour finalement partager son coup de cœur, c'est peut-être limite plus pratique. Maintenant, Facebook a un super check-in. Tu vois, finalement. Il y a deux choses. C'est limité déjà à son propre réseau d'amis, sur Twitter et Facebook. Ouais, mais. Et en plus de ça, alors que ce n'est pas le cas sur Yakatag, et en plus de ça, sur Yakatag, par exemple, si on va sur le site. On pourra à tout moment, une fois que ça fonctionnera, parce que ce n'est pas le cas, aller sur l'onglet recherche et trouver son produit ou en fonction de l'objet de la personne ou du lieu, et trouver les offres intéressantes. Alors que sur Twitter, l'information passe, mais elle ne rentre pas dans une base de données qu'on peut après consulter et interroger. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, c'est vrai, dans cette optique-là, oui, Twitter, c'est vrai, c'est plus de la consommation comme un flux RSS, c'est vrai qu'il y a on garde moins l'info. Voilà, c'est vrai. L'information n'est pas consultable pareil et on ne peut pas autant après mettre en relation plusieurs informations, essayer de faire des comparaisons, etc. Donc voilà, enfin bref, Yakatag, ça a le mérite d'exister. Après, est-ce que ça fonctionnera ou pas, on verra sur le long terme. Mais moi, l'idée me plaît bien, enfin voilà, je voulais en parler. On va enchaîner avec Sensis.net, et c'est toi, William, qui en parle. Sensis, oui. Pardon. Alors, en fait, c'est horrible, mais ça me fait penser un petit peu à Buzz, ce service, finalement. Oulala, attention. Non, en fait, alors moi, je vais dire que c'est une solution un petit peu hybride, c'est-à-dire que ça ressemble un peu à Twitter, à Tumblr, à Buzz, ça ressemble un petit peu à tous ces services. Et je le trouve assez intéressant, c'est pas mal. Il y a aussi un aspect forum, donc je vais détailler tout ça. Alors, pourquoi ça ressemble à toutes ces choses-là? Alors déjà, on peut intégrer de la vidéo, tu sais, les players YouTube un peu embedded, là. On peut faire des paragraphes, il n'y a pas de limite de caractère. Donc là, ça peut être aussi intéressant quand on veut poster un peu plus long, même si ce n'est pas spécialement l'objectif. Il y a une espèce en fait, de forum qui se met une fois qu'on a fait une sorte de post, qui permet d'avoir un peu comme le principe des commentaires, mais en beaucoup plus élaboré. Parce que c'est vrai que sur les blogs, le commentaire, ça reste assez... On ne peut pas trop l'éditer. C'est limite si on peut faire des paragraphes parfois. Donc là, ça permet d'être un peu plus élaboré. Pourquoi je disais Tumblr? C'est justement avec l'intégration de vidéos, d'images. Et il y a aussi tous les codes des réseaux sociaux de maintenant, c'est-à-dire qu'il y a les hashtags. Et j'ai vu un truc énorme au niveau des hashtags. Par exemple, ils mettaient, si tu écris Firefox, tu mets Firefox 1, Firefox 2, Firefox 3, tu vois, et ben ça te fait trois tags différents. Alors que eux, ça te fait aussi trois tags différents, mais ils considèrent comme qu'il y a le trop commun, c'est Firefox, quoi, tu vois. Peu importe la version qu'il a, c'est comme Firefox. Tu vois, donc ça te permet de faire des recherches sur le domaine Firefox, et du coup, tu retomberas sur les trois, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et tu ne seras pas bloqué. j'ai trouvé ce système de hashtag très, très intéressant. Après, dans la pratique, est-ce que c'est vraiment aussi, aussi parfait que sur le papier, je ne sais pas. Voilà, donc c'est assez étrange, quelque chose finalement. C'est un peu comme un blog beaucoup plus simple. Donc ça, c'est la manière de Tumblr. Mmh. Et ça ressemble un peu à Twitter aussi, finalement. Et on peut évidemment suivre après les choses. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment un mélange, un mix de tout. Alors je sais pas du coup si les gens sont un petit peu perdus avec mon explication, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Et c'est Sledge qui nous l'a fait découvrir. Et je trouve ça plutôt pas mal, quoi. D'accord. Alors ce que dit Sledge, je ne le comprends pas plus que ça. Mais oui, je vais en fait, le truc de. Ouais. Non, parce que je vois, par exemple, pour les hashtags, il parlait justement de SPIP. Ouais, ouais, bah, je te laisse en parler alors. Parce que... Oh non, je peux pas. Ah, d'accord. Non, mais voilà. Bon, pour communiquer auprès des gens qui nous écoutent en différé, Sledge nous dit quelque chose, alors qu'on ne comprend pas forcément, mais qui apparemment est intéressant. C'est que le truc énorme, c'est que ce principe SINZIS fonctionne avec SPIP, S-P-I-P, donc SPIP.net. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est personnellement, mais voilà, je voulais en parler parce qu'apparemment c'est quelque chose qui est important. C'est un système en fait pour publier sur Internet, voilà. D'accord. De manière un peu collaborative, voilà. L'idée c'était ça de SPIP. Ok, bah okay. Oui, c'est ce que j'ai l'impression de comprendre à l'aide des gens dans la chatroom qui nous aident grandement. Merci Maxime. Merci Maxime, qui se trouve, je le rappelle, derrière moi et qui m'envoie les infos via le chat. Donc voilà, du short blogging, ça me plaît bien comme nom en fait, hein. C'est assez explicite finalement. moi je vais enchaîner avec une plateforme qui s'appelle Codigen. En fait c'est plus qu'une plateforme, c'est un environnement de cloud développement, mais basé sur les langages web, qui vous permet à vous et à votre équipe de développer via une interface, sur une interface web directement liée à votre FTP. Donc en gros, le service propose l'édition de vos pages en ligne avec un support des langages web, enfin d'une grande partie des langages web, donc HTML, PHP, Perl, Python, etc. Mais aussi, vous pouvez intervenir directement avec des solutions CMS telles que WordPress, Joomla, etc. Et ça facilite grandement l'installation et la maintenance de ce genre de CMS. Parce que c'est une interface totalement dynamique qui fonctionne à base de glisser-déposer, etc. Et du coup, vous pouvez très facilement gérer tout ça. C'est plutôt bien fait, directement intégré à votre FTP. Donc, vous influez soit directement sur le site même, soit sur une copie de vos fichiers, et ensuite, vous les balancez sur le FTP. Enfin, voilà. C'est plutôt bien fait. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce projet parce que je me doute bien que une grande partie des auditeurs ne sont pas forcément développeurs, et donc c'est assez spécifique comme public que ça peut intéresser. Donc deux choses, si vous êtes intéressé par ça, je peux très bien vous faire des émissions un peu plus spécifiques dans tout ce qui est développement, programmation, etc. Partir plus dans ces points-là, là je vous en parle rapidement. Mais je pense aussi en plus que c'est des outils qu'il faut vraiment utiliser directement pour pouvoir voir les bénéfices que ce service apporte. Donc voilà, il y a plein de petites fonctionnalités sympathiques qui sont présentes dans Codigen. Donc je vous laisserai aller y jeter un œil, le lien sera dans les notes de l'émission. Et puis voilà, moi je vais m'arrêter là. Je pense que William, t'avais pas grand chose à dire là-dessus, si j'avais bien compris. Non, c'est vrai que c'est pas mon domaine. J'ai un petit peu perdu là-dessus. C'est entre autres en me basant sur ton retour que je pense que je vais abréger là-dessus. Si ça vous intéresse, éventuellement, je peux faire soit des articles sur le blog, soit peut-être des émissions un peu plus spécifiques sur ça. Mais voilà, donc faites-moi des retours là-dessus. Du coup, on va enchaîner avec notre dernière partie de l'émission, parce que là, ça commence à faire presque 45 minutes d'émission. Donc, ouais. On prend notre temps, mais voilà, dites-nous si ça vous ennuie, si c'est trop, trop long. Mais on va rentrer dans nos deux dossiers. En fait, on vous a préparé deux dossiers. Un dossier qui est sur les plateformes de place de marché de l'art sur Internet. C'est assez spécifique, mais vous allez voir, ça peut être intéressant. Et c'est William qui s'en chargera. Et ensuite, moi, je vais faire un dossier sur l'aide à la création de projets sur Internet. William, je te laisse commencer avec le dossier sur les plateformes de place de marché de l'art. À la limite, est-ce que tu peux partir plutôt avant ? D'accord. Je, Pas de problème. Si, s'il te plaît. Je te remercie. Eh bien, donc, je vais commencer avec le dossier. Ça va être assez rapide, hein, parce que je veux pas non plus m'éterniser. Mais en gros, dans ce dossier, je vais vous parler de deux services. Je sais qu'il y en a plein d'autres, mais c'est juste parce que ceux-ci sont déjà de un assez récents. Et en plus, je les ai utilisés pas mal en ce moment, enfin très récemment. Ça s'appelle Teameasy et Wizbee. Assez récent, surtout pour Wizbee. Teameasy, je ne sais pas trop depuis quand il existe. Donc le premier, Teameasy, permet de trouver des associés via cette plateforme de mise en relation pour donner vie à notre projet web, en fait. Donc cette mise en relation permet de trouver des personnes nécessaires à l'élaboration de votre projet en partageant les compétences, en fait. Ça se rapproche beaucoup d'un concept qui s'appelle le crowdsourcing. Donc pour ces deux plateformes, Teameasy et Wizbee, c'est vraiment ce côté partage des compétences pour un projet commun. Teameasy, c'est plus de la mise en relation, et Wizbee, c'est plus pour de la communication autour d'informations. Donc évidemment, le service de Teameasy, il est découpé il est à double entrée, je dirais. Vous pouvez soit rechercher des associés pour votre projet, soit chercher des projets. Si vous avez l'intention d'entreprendre un peu, d'être actif, de vous rallier à un projet existant déjà, et si vous avez des compétences à faire bénéficier à d'autres gens, vous pouvez aussi intégrer de cette branche-là, en fait, le site. Et donc, ça met en relation ces deux parties-là, et c'est les compétences de chacun. Et donc, voilà. Teameasy. Après, le service est relativement basique dans la mise en place, mais c'est vraiment pour cette mise en relation de compétences pour un projet commun. Le deuxième service, ça s'appelle Wizbee. Alors là, c'est un peu plus proche d'une plateforme de réseau social. C'est très très récent, très jeune. C'est des étudiants. Alors je ne sais plus de quelle école de commerce qui ont lancé ça. Je crois que c'est une école de commerce d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Donc Wizbee, c'est en bêta, vous pouvez l'essayer. Et en fait, c'est un réseau social entreprenant. C'est comme ça qu'ils appellent. Ça permet le partage de connaissances, de compétences, encore une fois, et faire évoluer rapidement vos projets. Alors là, c'est moins du... là où Teameasy va être plus du recrutement de personnes pour son projet, Wizbee sera plus... du partage de compétences directes au sein de la plateforme sans prendre une personne en particulier, on va prendre les compétences. C'est encore plus proche de l'idée du crowdsourcing dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est assez sympa. Et tout ça, donc, c'est assez rapide, hein, mais je voulais faire cette espèce de dossier sur l'aide à la création de projets sur Internet. Encore une fois, c'est des choses que je commence à... Enfin, les dossiers, c'est des choses qu'on va, au sein du podcast, commencer à faire. Il y a plein de services qui pourraient qui fonctionnent sous le même principe et qui pourraient faciliter la création de projets sur Internet. Donc, si vous aimez bien cette formule de dossier, là, je ne le développe pas trop parce qu'on est un peu long, mais si vous aimez bien ça, pareil, faites-nous des retours là-dessus et on vous fera des dossiers sur des thèmes particuliers. Et on trouvera des sites qui peuvent vous aider à réaliser à répondre aux problèmes posés. Donc voilà, Teameasy et Wizbee, je vous conseille d'aller les essayer. Ils sont plutôt sympas. William, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur les deux produits, projets, sites que j'ai présentés? Non, c'est bon. C'est bon ? Ok. Et alors, est-ce que tu es fin prêt pour enchaîner sur le c'est dossier bon. Donc je rappelle, c'est les plateformes de place de marché de l'art. Voilà, donc je te laisse parler. Alors, je vais commencer avec ArtQuid. Alors, celui-ci, il permet en fait de mettre en avant les œuvres, donc d'exposer son œuvre gratuitement. Donc ça, c'est déjà énorme. Et derrière, ça va être aussi de pouvoir avoir des outils de promotion et de vente. Alors, quelque chose que j'ai trouvé assez énorme, disons, c'est que déjà, il n'y a pas de commission et les prix sont libres. Donc déjà, il y a vraiment une liberté des deux côtés, puisque la personne qui voudra aussi acheter va contacter directement la personne, peut faire des offres de prix directement. Donc ça, je trouve que c'est assez énorme. Ça, c'est gratuit, il n'y a pas de commission, donc je me demande comment ils font pour s'en dire. Alors, ouais. Est-ce que je peux me permettre de rentrer un peu dans ton dossier? Vas-y. Alors, je me permets d'en parler. Je vais éviter de donner au maximum mon avis sur le produit, étant donné que j'ai un lien plus ou moins direct avec ce site. Donc pour faire simple, ma sœur est la community manager de ce site-là, en fait. Mais donc quand tu dis que c'est gratuit pour, le, pour, le, pour l'exposition de la première œuvre. Après, il y a oui, la première œuvre est gratuite. Ouais. Voilà. Ah, c'est vrai que je n'ai pas précisé, oui. Voilà, oui. Donc c'est plus ou moins gratuit. Donc ils se financent en grande partie là-dessus, si tu voulais savoir. Et par contre, c'est vrai que ça n'est pas sur les commissions parce qu'il n'y a aucune commission qui n'est prise. Et ça, c'est super intéressant et ça, c'est, je crois, présent sur aucun autre site qui s'apparente à ça. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Après, je te laisse. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours vu au niveau des commissions pour les autres sites. Ouais, ouais non, mais tu fais bien préciser. C'est vrai que je n'ai pas précisé. J'ai ôté de mon esprit, mais oui, c'est bien écrit la première œuvre. C'était juste pour expliquer sur quoi ils se finançaient finalement. Ouais, ben ouais, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est la relation directe. Et puis, ouais, le côté première fois, ça permet aussi de tester un petit peu, de voir comment ça se passe. Et puis, s'il y a une bonne expérience, on peut faire confiance au site. Et puis après, mettre de l'argent pour exposer ses œuvres. Ce que j'ai bien aimé, c'est un public assez ciblé. Voilà, et puis la mise en contact qui est très pratique. Donc voilà, moi, je trouve que ouais, c'est pas mal. Alors, je suis pas dans le domaine de l'art, malheureusement, mais ouais, je pense que c'est pour toutes les personnes qui sont dans ce domaine-là, qui apprécient les œuvres, aussi bien en création qu'en vente, ça vaut le coup de regarder. Ça évite de passer, peut-être par... alors, je sais pas, par contre, je connais pas le domaine de l'art, mais s'il y a des espèces d'agences ou après, comment ça se passe. Mais là, ça peut être un moyen assez simple, finalement. Voilà. Donc Mathieu, après, si tu veux ajouter des choses, c'est vrai que je sais pas, je connais pas trop ce domaine. C'est vrai, non, mais finalement moi non plus. Mais c'est vrai que c'est sympa et en plus le côté un peu, tout le monde est logé à la même enseigne, enfin plus ou moins logé à la même enseigne. Les pros comme les artistes dits non professionnels sont mis en avant au même, à la même, avec la même importance, C'est-à-dire que c'est vraiment sur la qualité de l'œuvre. Que les gens vont être mis en avant plus que sur le côté professionnel ou non. Alors c'est vrai que quand on regarde les artistes, on peut sélectionner par exemple de ne voir uniquement que les professionnels, enfin les artistes dits professionnels, ou voir tous les artistes, ou se spécifier, enfin spécifier un domaine, donc l'aquarelle, la sculpture, la peinture, les créations de meubles, etc. Parce que c'est vraiment très large, c'est l'art en général. Donc il y a ça, et c'est vraiment sur la qualité de l'œuvre et sur le retour de la communauté que l'œuvre sera plus ou moins mise en avant. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Ouais, ça c'est bien ça. Voilà. Et donc le deuxième, toujours dans le même domaine un petit peu, mais légèrement différent. Là, ça ne va pas être de la vente, pas exactement. Ça va être Arlinky. Donc tu peux mettre en même temps dans la chatroom. C'est bon. Donc là, c'est un site qui, je le vois comme ça. C'est vraiment le partage et l'échange entre artistes et public, et surtout aussi entre les artistes indépendants et par exemple de le côté industrie, quoi. C'est vraiment finalement de réunir pour développer, voilà. Donc souvent on a du freelance, par exemple dans le côté graphique, ou créatif. Donc là, ça permet vraiment d'associer les deux mondes. De partager, puis finalement, pour que ce soit le public qui bénéficie de tout ça. Et il y a vraiment d'autres domaines assez larges, c'est-à-dire qu'on part sur de l'e-book, on part sur des clips vidéo, de radio, même des images. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. Surtout, moi, c'est surtout, j'insiste, c'est vrai, mais sur le côté indépendant et industrie, parce que on peut faire des choses très belles, notamment sur les clips vidéo. Moi, je sais que je suis pas mal dans la communauté YouTube. Enfin, je regarde, je suis spectateur surtout. Mais je vois, il y a des choses qui sont assez, assez bien faites. Les mecs, ils mettent les moyens, ils me font vraiment des beaux trucs. Et ils sont indépendants, c'est-à-dire que ils n'ont pas forcément fait des écoles derrière pour ça. Ils n'ont pas forcément une grosse boîte ou des moyens. Donc je pense qu'avec des sites comme ça, ça permet de mettre en lien pour peut-être voir les vidéos virales de demain. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, je vais juste répondre un peu à la chatroom qui réagit sur Artquid. D'accord. Alors, oui, effectivement, l'esthétique du site n'est pas forcément, surtout pour un site qui se consacre à l'art, n'est pas forcément très développé. Ça fait assez basique et assez. Ouais, mais assez ça m'a statique. Pas choqué, tu vois. Non, mais c'est quand même un constat qui est fait souvent. Oui. Et qui est effectivement tout à fait compréhensible. Après, il y a une réponse de Maxime qui est assez pertinente sur le fait que déjà, c'est un public visé très particulier. Et moi, je le sais d'autant plus parce que je connais un petit peu le public qui est derrière. Et c'est en gros, ils s'attaquent à un marché qui est très compliqué sur Internet. C'est-à-dire que c'est un public de... Enfin, je suppose, là je vous dis plus ou moins dans le vide, mais c'est plus de 40 ans. Donc c'est vraiment pas évident de faire quelque chose qui soit simple à l'utilisation et qui soit aussi esthétique. Donc je pense qu'il y a ce côté-là. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être des efforts à faire, c'est même sûr, sur le côté... ça paraît un peu statique dans le... Alors que ça ne l'est pas, mais ça paraît un peu statique au niveau de la charte graphique et tout ça. Ça fait un peu site HTML web 1.0, quoi. Mais voilà, en gros, c'est aussi par rapport au public visé, et je pense qu'il y a ça aussi. Mais ça ne tient qu'à vous de leur faire des retours justement sur ce que vous pensez de l'esthétique. Et peut-être, s'ils se rendent compte aussi que plus de jeunes, enfin d'un public plus jeune s'intéresse au site, ils s'adapteront aussi à ça. D'ailleurs, on le voit très bien dans le côté, ils ne mettent pas du tout en avant les réseaux sociaux, ou que très peu, ils mettent en bas de page leur compte Twitter et Facebook. Mais ça n'est pas quelque chose qui est très demandé par leur public, en fait. C'est très ciblé. Et oui, c'est vrai que c'est pas un public qui va forcément être sur les réseaux sociaux pour échanger ce genre de choses, quoi. Tu vas pas voir quelqu'un qui vend une peinture, tu vois, sur Twitter en train de demander des RT. Ça va être quelque chose de complètement différent, quoi. Voilà. C'est une autre approche. C'est ça. Mais voilà, mais n'hésitez pas à leur faire des retours. Vous dites pas que ça vient de ma part, parce que voilà. Mais n'hésitez pas à leur faire des retours, parce que c'est vrai que ça pourrait être. Je pense qu'ils attendent ça. D'ailleurs, c'est le cas pour Artquid, mais c'est le cas pour tous les projets qu'on présente. Nous faire des retours à nous, c'est bien, mais des retours à l'ensemble des projets qu'on présente sur votre expérience utilisateur, c'est vraiment essentiel, parce qu'on sait que nous, on est demandeurs en tant que... Les projets du web, ça reste aussi un projet en tant que tel. On est demandeurs de retour. Et on se doute que pour la majorité des sites qu'on présente qui sont encore jeunes et qui attendent justement ce retour de l'utilisateur, ça serait vraiment important. C'est vraiment important que vous puissiez faire ces retours-là à ces gens-là. Voilà, je ne sais pas si j'étais très clair, j'ai un peu bafouillé, mais... On comprend l'idée générale. Voilà, l'idée générale, c'est faites des retours au site que vous utilisez et que vous appréciez un peu. Ça, c'est vraiment, les gens en général sont demandeurs de ça. Voilà, bah, je pense qu'on arrive à peu près au terme de notre émission qui a été quand même... Est-ce que je peux faire un petit bonus ? Oui, ah mais vas-y, on attend que ça. C'est par rapport à Guru. Alors je le mets sur la chatroom, c'est guru, donc guru@googlelabs.com. J'ai trouvé ce truc génial. Donc si vous avez une adresse Gmail, vous savez peut-être que en fait, vous pouvez chatter avec le Google Talk. Et bien en fait, vous ajoutez c'est un bot, tout simplement. Hein. Vous ajoutez ce bot et vous pourrez en fait avec des petits mots-clés. Alors c'est pas tout à fait discuter avec lui, mais en fait lui faire des requêtes. Et j'adore ce truc. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, par exemple, si on veut avoir le temps qu'il fait, par exemple, à Paris, et ben on tape. Bon, par contre, toutes les requêtes sont en anglais, donc ça, c'est un petit peu dommage, mais je pense que ça va venir sur les autres langues. On met, par exemple, weather, et puis, Paris ou Londres. Et ben, tout de suite, il va nous donner les résultats, hop, les températures, etc. Donc, il y a ce qui est au niveau du temps, le score des équipes, par exemple, définir un mot dans le dictionnaire. On a la traduction directement, donc ça la traduction, je pense que c'est vraiment très bien, parce que souvent c'est ouvrir son navigateur, translate.google.com, enfin c'est, tandis que là hop, on lui envoie un message directement, donc ça peut être assez pratique, et une recherche web aussi, tout simplement. Voilà, tout ça dans le chat Google Talk. Donc, j'ai trouvé ça assez énorme et je m'amuse bien avec lui là, et pour l'instant, à part le dictionnaire, par contre le dictionnaire il déconne un peu, il y a beaucoup de mots très simple qu'il aurait dû trouver, il n'a pas trouvé. Mais tout le reste marche très bien. Et voilà, donc je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le tester celui-là, mais ce truc est énorme. Je l'adore. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore testé, mais c'est vrai qu'il y a des... Enfin, j'ai vu des retours, et même toi, tu m'en avais parlé, et ça m'intéresse pas mal. Donc, pour rappeler, c'est guru@googlelabs.com, c'est ça ? Oui, oui, oui. Donc, c'est l'adresse que l'on doit rentrer, et à qui on envoie les requêtes, en fait. Donc, voilà, qu'on envoie des requêtes. Bah voilà, est-ce que tu avais un autre bonus qui sort au dernier moment Ah non, c'est d'accord. Mon unique bonus. Bon bah de toute manière on arrive à un peu plus d'une heure d'émission maintenant, donc on va s'arrêter là. Je voulais juste rappeler quelques petites choses. Alors vous pouvez comme d'habitude nous laisser vos commentaires sur le site lesprojetsduweb.fr ou lpdw.fr, sur iTunes aussi. N'hésitez pas à mettre des étoiles en fonction de si vous nous aimez plus ou moins. Ça fait toujours plaisir. Nous suivre sur Twitter, les projets du web tout attaché, ou sur Facebook, vous cherchez les projets du web. Pareil, vous pouvez nous contacter séparément, les membres de l'équipe, par nos adresses mail qui sont disponibles sur le blog. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire le maximum de retours possible. On en a vraiment besoin. C'est ce qu'on peut vous demander en retour de ce qu'on essaye de faire. Donc voilà, essayez de nous faire un maximum de retours là-dessus. On se retrouve dans 2 semaines si tout se passe bien, je pense en compagnie encore une fois de William et de moi-même, et malheureusement sans Lucas, sauf s'il y a un miracle qui se produit. Mais voilà, donc on se retrouve dans 2 semaines. Et puis voilà, bah merci à tous de nous suivre aussi nombreux. Merci dans la chatroom d'être venu, avec plein de nouveaux. Mais merci aux nouveaux aussi de nous suivre. Voilà, donc merci à tous et puis à dans 2 semaines. Ciao, ciao. Salut tout le monde.